Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un véhicule vraiment spécial, une voiture qui bouscule un peu les codes. En effet, et en tant que collaborateur UTAC, on est particulièrement fier de vous présenter le Dacia Jogger hybride 140 en finition extrême. C'est un véhicule qu'on propose à la vente et il mérite vraiment qu'on explore ce qu'il rend si unique. Exactement. Notre mission aujourd'hui est de décortiquer ce véritable couteau suisse sur roues. Il combine le meilleur d'un break, d'un monospace et même un peu d'un SUV. Allons-y. D'abord, rien que le nom, Jogger. Oui. Ça évoque l'énergie, le plein air. C'est la promesse d'aventure de la famille des baroudeurs Dacia. C'est ça. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est sa conception. Ce qui est fascinant, c'est qu'il a été conçu pour remplacer trois modèles à la fois. Ah oui, lesquels déjà? La Logan MCV, le Logie et le Docker. Rien que ça. Mais sa plus grande force, c'est sa configuration 7 places. Et attention, on ne parle pas de strapontin. Non, ce sont de vrais sièges confortables même pour des adultes, c'est ça? Exactement. C'est l'anecdote géniale de ce modèle. La conception en théâtre. C'est-à-dire? Chaque rangée est un peu surélevée par rapport à la précédente. Ah, d'accord. Comme ça, tout le monde profite du paysage. Voilà. C'est la voiture parfaite pour les familles nombreuses ou les virées entre amis, quoi. D'accord. Maintenant, si on regarde sous le capot, là aussi, il y a du nouveau. Ah oui. On trouve la technologie la plus avancée de la marque. Le moteur hybride 140, ça change tout. Et comment? Le démarrage, par exemple, se fait systématiquement en 100% électrique. Dans un silence total. C'est ça. Et à l'intérieur, adieu les compteurs à l'aiguille, place au Digital Cockpit. Oui, un écran de 7 pouces qui montre en direct les flux d'énergie. On voit la batterie se recharger au freinage. C'est très... C'est assez satisfaisant à regarder, non? Très. Et pour relier ça au quotidien, c'est simple. En ville, il est possible de rouler jusqu'à 80% du temps en mode électrique. 80%? C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, pour un véhicule de 140 chevaux capable de transporter 7 personnes, la consommation est remarquable. On est à combien? Moins de 5 litres au 100 km. C'est vraiment l'alliance de la puissance et de la sobriété. Parlons de cette version, la finition extrême. Ça se voit qu'elle est spéciale. Oui. On la reconnaît à ses détails brun cuivré sur les rétroviseurs ou les aérateurs. Et la sellerie, il faut qu'on en parle. Ah, le textile microcloud. Ça, c'est une petite révolution. Il est lavable, ultra résistant et en plus, il est très doux au toucher. Le trio gagnant pour une voiture familiale. Complètement. Et au-delà de l'esthétique, il y a l'ingéniosité. Les barres de toit modulables, par exemple, c'est un parfait exemple. Ah oui, expliquez-nous ça. En quelques secondes à peine, elles pivotent pour se transformer en galerie. D'accord, donc plus besoin d'acheter d'accessoires supplémentaires pour mettre un coffre de toit. Rien du tout. Pas besoin d'acheter de porte-vélo non plus, c'est du pur génie Dacia. Venons-en au modèle spécifique qu'on présente. C'est un véhicule de 2025. Oui. Avec seulement 2300 km, autant dire qu'il est quasiment neuf. Exactement. Et puisqu'il s'agit d'un modèle 2025, il est équipé des toutes dernières aides à la conduite. Ce qui est un vrai plus. Oh. C'est une opportunité assez rare d'acquérir un véhicule qui est le choix de la raison passionnée. J'aime bien l'expression. On a l'espace d'un petit bus, la consommation d'une hybride de pointe et l'agilité d'une citadine. En résumé, ce Dacia Jogger hybride extrême est une solution vraiment complète. Pour ceux qui cherchent l'espace, la polyvalence et l'efficacité, oui. Et il faut le rappeler, ce véhicule est une excellente occasion. 100% disponible dès maintenant chez nous, à l'UTAC. Merci pour cette analyse très claire. Avec plaisir. Et merci de nous avoir écoutés. À bientôt.